à te tuer, à te tuer. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je n'ai pas pu. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça est plus fort que moi, est plus fort que moi. Pourquoi la vie n'attend pas? Pourquoi la vie n'attend pas? J'ai contribué.